Enfin, disons que j'ai fait l'équivalent de cela sous forme d'études préparatoires à l'architecture et puis mon cycle d'études d'architecte, diplômé en 55, à Bruxelles. D'accord. Et après 55, alors? Alors après 55, un an ou deux de profession là-bas, puis service militaire. En 58, j'ai quitté Service militaire en Belgique. en Belgique. J'avais le choix. Il y a une espèce de convention entre la Belgique et la France qui donne le choix simplement, la possibilité de faire là où on le désire. Je l'ai fait en Belgique. En 50, 57, 58, si je me souviens bien. Ou 56 et 57. Oui, 56 et 57. Une année d'enseignement après mon service militaire. Et puis un voyage d'études qui devait durer quelques mois et qui au fond a pris beaucoup plus de temps. Vers l'Inde à l'époque pour aller voir la ville que Le Corbusier construisait, la capitale du Punjab, à Chandigarh. Tout ça par le chemin des écoliers en voiture, ça m'a amené à rouler un petit peu partout dans le Moyen-Orient, à passer plus d'une fois par le Liban et puis à finir par m'y fixer. Et en 59, 60. Je me suis donc marié en 60, donc roulé ma bosse pendant 2 ans à peu près. Je suis marié donc en 60 et je m'y suis fixé après un voyage en Europe, je me suis fixé fin 60, début 61. Vous connaissiez le Liban avant de venir ici? Vous aviez des amis libanais? Absolument pas, non, absolument pas. En 58, je suis arrivé au Liban parce qu'il faisait trop froid pour passer en Iran par les montagnes. Le col était enneigé et il faisait très froid en Turquie. Je suis descendu au Liban pour trouver un peu de chaleur. Simplement. Et Mais je suis alors, resté pour travailler parce qu'il fallait que je travaille toujours en cours de voyage. pour travailler, vous travaillez J'arrivais architecte à, oui, comme architecte, ou le ou... cas échéant comme dessinateur, comme publiciste, ou illustrateur, etc. Oui. Marginalement, mais essentiellement comme architecte quand même. Oui. J'ai dû travailler à Athènes, j'ai travaillé à Beyrouth, j'ai Toutes les un grandes peu villes, travaillé, oui, quasiment. c'est ça, j'ai un peu travaillé en Turquie, j'ai failli travailler à Téhéran, j'ai trouvé Téhéran tellement sinistre que j'ai continué. J'ai travaillé à Delhi, pour la Ford Foundation. Enfin, j'ai eu la chance de trouver chaque fois du travail. Alors en 61, fin 60, vous fixez Je me ici fixe ici. et vous cherchez un travail. Oui, et mon beau-frère, le frère de ma femme, étant lui-même entrepreneur, nous avons commencé carrière ensemble, en quelque sorte, en indépendant, plus ou moins associés à l'époque, mais enfin indépendants. Et puis ça, le travail suivant, le travail venant. En réalité, je n'avais pas l'intention exactement de m'installer à Beyrouth à l'époque. Je comptais retourner en Inde. J'avais du travail qui m'attendait. Ma femme était fatiguée. Elle avait fait une fausse couche pendant notre voyage de retour au Liban. Voyage, assez long voyage de noces, en voiture. Un concours d'architecture s'est présenté. J'avais quelques semaines de battement. J'ai fait le concours, je l'ai emporté. J'ai voulu rester pour mener à bien ce concours. C'était pour l'ambassade d'Irak à Beyrouth. Et puis, ce concours n'a jamais eu de suite, malgré que je l'ai emporté, parce que des événements d'Irak ont remis en question, à l'époque, c'était en début 61, à ce moment-là, ont remis en question la chose. Ce projet ne s'est jamais eu de suite. Seulement, ça m'a amené à prendre d'autres travaux en attendant, et puis je n'ai plus quitté pour l'Inde, je suis resté au Liban. Donc au départ, vous êtes dans une entreprise indépendante. Je suis indépendant, j'ai un bureau d'études. En réalité, j'ai quand même une raison sociale, je suis quand même toujours rattaché au bureau d'entreprise de mon beau-frère pour avoir un support légal, disons. Et c'est une collaboration qui continue de toute manière. Et dès le début, vous habitez ce quartier ou... Non, non, j'ai vécu quelques mois, croyant que c'était vraiment pour très peu de temps, quelques mois à Hamra, quartier Chouran, et puis j'ai quitté Beyrouth pour vivre d'autres 3 ans ou 4 ans à la montagne, été-hiver, basse montagne, à Einar, jusqu'au moment où le problème de l'école, des enfants commençant à se poser, il n'y avait pas d'école là-bas, le travail devenait quand même un peu difficile, parce que je travaillais là-haut, je travaillais à la montagne, j'avais mon atelier là-bas. Alors je suis descendu à Beyrouth et je me suis installé ici, dans ce quartier-ci, dans cette même maison, donc depuis 10 ans, enfin. Je crois que c'est en 65 que je me suis installé ici. Et vous travaillez toujours comme indépendant? Je travaille toujours comme indépendant. J'ai souvent des collaborateurs libanais. Souvent. Enfin, j'ai de toute façon toujours des collaborateurs libanais. Je ne peux pas travailler seul et c'est normal. Mais enfin, Alors pourquoi? je ne suis pas libanais. Je ne peux pas être inscrit à l'ordre des ingénieurs. Puisque l'ordre est absolument fermé à tout non-libanais. On a même refusé légaliser ma situation d'une manière ou d'une autre. Et cependant, paradoxalement, j'ai le droit, par la loi libanaise, de travailler au Liban, ma femme étant libanaise. Alors j'ai le droit de travailler, mais pas dans ma profession. C'est assez bizarre, la situation. Ce qui veut dire que vous avez tout le temps un permis de séjour et un permis de travail. Exactement. En permanence, je le renouvelle toutes les années. Et je suis toléré dans la profession, avec beaucoup de très bons amis architectes d'ailleurs, certains avec lesquels je collabore de temps en temps, ce qui fait qu'on me laisse parfaitement tranquille. Ma situation est légalisée d'une façon paradoxale, disons. Et alors, comment ça fonctionne? Vous avez donc des clients qui sont la plupart du temps des particuliers et qui sont l'État à l'occasion d'ailleurs, et qui attisent directement avec moi. Ouais. C'est aussi paradoxal. Merci, non, je ne sais pas. Enfin, j'ai une clientèle particulière, privée. Mmh. J'ai à l'occasion l'État pour lequel j'ai fait les études d'urbanisme et pour lequel j'ai fait il y a 3 ans ou 4 ans l'étude de base pour les constructions scolaires au Liban, le fameux plan de regroupement scolaire, la nouvelle carte scolaire. Mmh. J'ai fait toutes les études de base pour le primaire, dont à partir desquelles on a fait le cahier de charge pour les 63 écoles qui sont actuellement en adjudication et qui doivent être suivies de beaucoup d'autres d'ailleurs. Et comment ça se passe exactement alors, du point de vue de votre clientèle? Au départ, vous la trouviez comment? Par l'intermédiaire de vos relations familiales? Oui, c'est ça, bien sûr, hein, les relations familiales, donc de ma belle famille. Ouais. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Mon premier client ayant été à l'époque le collège de Nazareth, qui est dans le quartier ici, Notre-Dame de Nazareth, ouais, pour lequel j'ai fait une série de bâtiments. Mon beau-frère étant entrepreneur, formions un groupe à deux. Et puis, ces quelques travaux-là, ayant été connu, j'ai fini par avoir une certaine clientèle. D'accord. J'enseigne également. J'enseigne depuis 67 à l'université libanaise, l'Institut des Beaux-Arts, section architecture. Vous êtes à temps complet Non. Non, on n'est pas à temps complet là-bas, personne ne l'est. Mais je suis quand même cadré d'une certaine manière. Je ne suis pas payé à l'heure comme les autres. Je suis payé au mois, contrat de 12 mois, contrat sur toute l'année. Avec aussi un statut très paradoxal d'ailleurs, puisque là je suis forcément considéré comme architecte puisque j'enseigne comme architecte, oui, alors que par rapport à l'ordre des ingénieurs, je ne le suis pas. Est-ce que du point de vue de vos clients, mm-hmm, est-ce que je peux vous demander d'analyser un peu la demande à laquelle vous avez affaire? Moi je n'ai, c'est plus facile de commencer par le négatif, okay, je n'ai absolument pas jusqu'à présent, et je n'ai jamais cherché à l'avoir, j'aurais plutôt évité, je n'ai absolument pas l'immeuble de rapport. Alors que ça fait pourtant peut-être 80% du marché d'architecture dans le pays. J'ai plutôt une clientèle d'école. Je l'ai eu pour le gouvernement, mais je l'ai eu donc pour le privé, Notre-Dame de Nazareth, il y a plusieurs années déjà. J'ai actuellement les collèges de 5 heures, une série de collèges. C'est un ordre libanais. Parmi les congrégations religieuses, une certaine clientèle, puisque j'en ai fait plusieurs et ça m'a fait un peu connaître parmi cette catégorie-là, une certaine clientèle pour des édifices de culte, des chapelles, des choses comme cela. J'ai une certaine clientèle privée pour de l'habitation, mais de l'habitation privée, pas de l'habitation collective. Et dans Beyrouth ou... En dehors de Beyrouth, la plupart du temps, la montagne. Une clientèle restreinte, j'ai fait quelques maisons, une demi-douzaine maximum, de maisons privées. C'est une clientèle très diversifiée, finalement. Hein. J'ai eu le gouvernement aussi comme client pour certains aménagements moyens modestes, enfin, pas très importants. Je ne suis quand même pas libanais non plus et je n'ambitionne pas les grosses affaires. Mais j'ai fait l'aménagement du port de pêche de Jounieh, sous son équipement. À l'occasion de l'urbanisme, j'ai fait la côte de Jounieh d'ailleurs, je m'intéressais à la région de Jounieh à l'époque. J'ai collaboré aussi avec l'Association pour la protection des cités et anciennes demeures, pour lequel j'ai écrit en 64, je crois, un livre sur l'habitation au Liban, et pour lequel j'ai fait l'anneau de contrat comme une espèce de prospection systématique de tout ce que le pays comportait d'intéressant dans le domaine de l'architecture traditionnelle ou des sites naturels intéressants. C'est un livre qui est en 2 volumes, je crois, mais un volume qui n'est pas de vous. C'est ça, exactement. Nous allons nous occuper quand même, mais en fait, dans le texte, n'est pas de moi. D'accord. C'est bien cela. Alors, ça fait une clientèle très diversifiée, finalement, tout ça. Oui. Et comment on vient vous voir, alors? On vient vous voir sur votre réputation... Pratiquement. Oui, par relation. Architecte ou... Oui, ou par relation, alors, des amis, d'amis, etc. Le fait que vous soyez français est important? Eh bien, je me suis souvent demandé. C'est évidemment un handicap d'une certaine manière parce que ça me met, même si ma situation est claire et clairement connue et que j'ai des collaborateurs libanais, elle me met quand même un peu en porte-à-faux et à l'occasion, je ne peux pas toujours me défendre contre un coup bas de confrère parce que normalement, on se défend par l'intermédiaire de l'ordre et quand on n'y est pas, on ne peut pas compter sur lui. Oui. Alors, je suis vulnérable et des confrères indélicats en ont déjà profité. Par ailleurs, il y a quand même toujours au Liban une certaine... un certain prestige, finalement, à être français et on est peut-être plus crédible qu'un Libanais en affirmant quelque chose. Oui. Je me rends compte que j'arrive à défendre des idées plus facilement que des confrères libanais. Parce que je suis français. Oui. Parce qu'on vous prête une compétence technique. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais la plupart des clients quand même que vous avez cités, au moins des institutions, sont tous des institutions chrétiennes. C'est extrêmement rare que j'ai travaillé pour des musulmans, c'est un fait. Extrêmement rare. J'ai fait une école à Tripoli, dont je ne me suis pas occupé complètement, d'ailleurs uniquement au niveau de l'avant-projet. Au moment où j'étudiais les écoles gouvernementales, ce groupe musulman avait été dirigé vers moi. Hein. Je crois que c'est la seule fois où j'ai fait une étude pour un groupe musulman. Je le souhaiterais d'ailleurs, mais enfin ça ne se présente pas. Oui. Tout se fait par relation au Liban. Oui. Et d'après vous, ça tient alors au cercle de relations que vous avez? Oh oui, bien sûr. Ouais. Oui. Sauf si, pourtant, j'ai une étude de complexe touristique pour tir, au fond, qui est une personne privée. Là, c'est une personne qui est venue, il faut dire que l'enseignement aussi est pour quelque chose dans les relations qu'on se fait. Il est venu chez moi, envoyé et dirigé par son neveu, qui est un étudiant, moi, à l'Académie des Beaux-Arts. Oui. Ça, c'est un client non chrétien. Client privé. Mais votre nomination à l'Académie des Beaux-Arts en 67, vous avez dit? Oui, alors là, c'est, en fait, il y a l'Académie d'une part, qui est une école privée dans laquelle j'assume quelques heures par semaine, pas grand-chose. Oui. Mais il y a l'Université libanaise, alors. Là, j'y suis rentré en 67 à la demande de quelques étudiants qui me connaissaient simplement. Et qui ont demandé à ce que je sois engagé. Et c'est comme ça que j'y suis rentré. D'accord. Et vous faites combien d'heures par semaine? Actuellement, j'assume une douzaine d'heures par semaine. C'est beaucoup. Oui, mais il y a de l'atelier là-dedans. Ah oui, d'accord. Hein? En fait, théoriquement, il n'y a pas de cours à proprement parler. Dans la pratique, j'en assume quand même volontairement. Mais c'est de l'atelier. Théoriquement, c'est de l'atelier. Et alors, quel est le... par rapport à votre autre activité en tant qu'indépendant, si vous voulez? L'université libanaise constitue un milieu de relations possible qui est susceptible de vous attirer des clients? En fait, c'est pas pour ça que je suis rentré, moi. J'aime enseigner. J'enseignais déjà en Belgique avant de voyager. Oui. J'aime l'enseignement et je trouve que le contact avec les jeunes est intéressant. Et puis, il force à réfléchir, il évite de s'encrouter. Il est une petite discipline intellectuelle. Oui. Et puis, quand on commence à enseigner, surtout quand on les prend à la base, finalement, on finit par connaître. D'autant que l'institut n'est pas grand, hein. Il comporte 200-300 étudiants en architecture, pas plus. On finit par les connaître tous et on a plaisir au fond à les retrouver, à rester avec eux, à les voir, à les suivre, etc. Parce que par ailleurs, c'est un handicap professionnel au point de vue du temps. Parce que ça mange pas mal de mon temps et un temps, alors si on parle strictement rentabilité, c'est un temps moins rentable que le temps de bureau, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a des moments où c'est vraiment un handicap. J'ai souvent la tentation de m'en aller, d'autant que l'université libanaise est quand même un milieu bien compliqué, en crise perpétuelle, hein, qui me fait bien souvent des problèmes. Oui. J'ai souvent la tentation de m'en aller, et puis chaque année... C'est plus, si vous voulez, le fait que vous soyez dans une situation où vous êtes un peu obligé de rechercher, de remettre en question un certain nombre de conditions qui vous intéressent. C'est ça, c'est ça. Plutôt que d'avoir une ouverture sur un milieu auquel vous n'auriez pas accès sinon. Oui, non, en réalité, c'est plutôt pour l'aspect intellectuel quoi, de la question. Mais c'est un fait que, je ne l'ai pas calculé au départ, mais c'est un fait que ça me donne quand même une assise au Liban, hein, que je n'aurais pas comme étranger, enfin un étranger qui est finalement très intégré, hein, puisque j'ai ma belle famille libanaise. Mais enfin, malgré tout, ça me donne une espèce d'assise. Ce n'était pas ma motivation première. En fait, je le constate, c'est intéressant quand même. Oui. C'est un avantageux. Oui, d'accord. Bien, on passe Depuis que vous êtes ici, vous avez beaucoup voyagé dans les pays arabes? Non, j'ai plus voyagé avant de me fixer. Une fois que j'ai été fixé, c'est moins voyagé. Oui. Mais avant de me fixer, pendant mes premiers séjours, j'avais pas mal tourné quand même. Je ne connais pas les pays du Golfe, pour lesquels je commence à travailler cependant, mais avec des collaborateurs libanais, avec un bureau d'études. Oui. Comment ça se passe avec les collaborateurs libanais? J'ai deux genres de collaborateurs libanais. J'ai ceux qui sont en quelque sorte des employés, malgré que je n'aime pas le terme. Enfin, c'est pour les différencier des autres, disons, simplement. Ce sont de jeunes architectes, pratiquement tous avec lesquels, que j'ai eu comme étudiant d'ailleurs, avec qui ont fait leur projet de diplôme avec moi, qui étaient heureux de venir faire un stage de quelques années chez moi, ou bien pour des étudiants déjà très avancés, ou même de jeunes étudiants. J'ai une petite équipe ainsi de 6 à 8 personnes. C'est là travail dans mon bureau. Et puis alors j'ai des collaborateurs qui sont essentiellement des ingénieurs à qui je fais appel pour l'aspect technique de la profession. Je ne suis pas un architecte qui essaye de remplacer l'ingénieur, au contraire j'essaie de collaborer le plus possible. Alors j'ai l'un ou l'autre collaborateur qui sont eux-mêmes des indépendants, qui sont seuls, mais j'ai aussi un bureau d'études important de la ville qui s'occupe de toutes les questions techniques, béton armé, électromécanique, etc. Alors là ça représente un groupement évidemment. Je collabore avec eux, c'est évidemment à ce moment-là un autre mode de collaboration que les premiers, bien entendu. Et eux-mêmes, qui sont très introduits actuellement dans les pays arabes, m'ont proposé certains travaux à faire en collaboration. C'est ma seule ouverture, moi, vers les pays arabes, et elle est indirecte. Je n'y ai pas encore été jusqu'à présent. Je serais amené à y aller, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été. Dans vos rapports avec vos employés, même si vous n'avez pas le terme, vous avez des problèmes spécifiques ou... Aucun, enfin jusqu'à présent, non, j'ai pas de problème. Ce sont des rapports très cordiaux, enfin nous sommes beaucoup plus amis qu'autre chose. Mmh. J'essaie de les mettre dans une situation de très grande liberté dans le travail, qui a l'air de leur convenir, ça marche agréablement. Je les intéresse toujours au point de vue du nom à mes travaux, ils apparaissent toujours comme étant officiellement mes collaborateurs, même s'ils sont jeunes. Et c'est vous qui assumez toute la partie de gestion et toute la partie administrative? Oui, oui. Mais enfin, mon affaire n'est pas énorme non plus. Hein. Oui. Enfin, c'est... Oui. Oui, c'est moi qui assume tout ça, c'est une sacrée corvée. Oui, c'est ça, seulement. Non, je ne suis pas... Et là, il y a quand même eu une évolution depuis 1960. Ça, c'est exact. Parce qu'en fait, au début, déjà dans la toute première partie de mon travail ici, j'étais en quelque sorte associé à mon beau-frère. Oui. J'assumais les études, j'assumais l'entreprise, j'assumais les études presque seul. J'avais simplement un ingénieur qui a d'ailleurs à l'époque était lui-même un employé de mon beau-frère. Les choses étaient réduites à leur plus simple expression. Après ça, je n'ai plus été l'associé de mon beau-frère, tout en continuant à travailler le plus souvent possible avec lui. Mais j'ai préféré la dépendance la plus totale. Mais je travaillais modestement à des petits projets que je faisais seul, ce qui fait que même peu rentable, j'étais au fond rentable parce que je n'étais pas très généreux. Je travaillais sur mon bureau à la maison. C'est une situation qui a duré quand même plusieurs années. J'ai essayé d'ailleurs de la garder le plus longtemps possible, mais à partir du moment où j'ai dû avoir des collaborateurs, parce que la masse de travail que j'entreprenais ne pouvait plus être assumée par moi seul, à ce moment-là j'ai dû travailler en dehors de chez moi. Et j'ai pris un bureau, mais ça remonte à assez peu de temps, ça remonte pratiquement il y a 4 ans. Il y a 4 ans d'abord sous forme d'une espèce de collaboration avec le confrère libanais que j'avais intéressé à mes études pour le gouvernement. Et il avait des locaux plus grands que les miens, je travaillais chez lui, et puis finalement dans mes locaux à moi, mes locaux personnels. D'accord. Donc cette petite équipe de 6 à 8 personnes que vous employez, c'est assez récent, ça date de 4 ans. Oh non, c'est plus récent que ça. Enfin, il y en a un ou deux de ces collaborateurs que j'ai déjà commencé à mettre au travail il y a 3 ans, mais cette petite équipe n'est complète que depuis un peu moins de 2 ans. D'accord. Et elle est fluctuante d'ailleurs, ça dépend même de mes... Ça dépend du volume de travail. Du volume de travail que vous... J'essaye de ne pas avoir une équipe stable parce qu'elle risque d'être trop lourde au moment où j'ai moins de travail, d'être trop pesante. Donc vous embauchez sur un aussi. Projet. C'est ça. C'est une chose très claire entre eux et moi. Et, eux-mêmes d'ailleurs, ou bien ils sont étudiants et ils ont de toute façon, ils travaillent à mi-temps chez moi, ou bien architectes déjà, et ils ont eux-mêmes certains travaux et ils arrivent à certains moments donnés, à être pratiquement à 100% de leur temps chez moi, dans les moments où il faut y mettre un coup, puis après ça, à reprendre un peu de liberté, et à travailler bien souvent chez moi pour eux, d'ailleurs. En fait, ils sont chez moi, chez eux. Oui. C'est le genre de collaboration que j'essaye d'établir, de telle manière à ce que nous tendions vers un groupe de personnes qui travaillent ensemble, mais tout en conservant une certaine indépendance relative. Il arrive que, tout en étant dans, théoriquement mes locaux et dans mon matériel, ils travaillent pour eux et moi je travaille pour moi. Enfin. C'est une situation qui me convient, qui me plaît, je les garde à ma disposition. Le contact humain est agréable et intéressant, ils peuvent discuter de leurs projets avec moi, et moi, le cas échéant, de mes projets avec eux, même si ce sont des projets que je mène seul, ce qui arrive. Oui, d'accord. Le genre d'activité que. Enfin, le genre. Le style d'activité que j'essaie de développer. Et vous avez des. Au niveau de la perspective architecturale, si vous... Oh, j'essaie de ne pas avoir de perspective à trop long terme quand même. Parce qu'au fond, on n'est jamais tellement maître de ce qui se déroule. Oui. Il y a beaucoup d'événements extérieurs qui décident pour vous. À très longue échéance, je ne sais pas si je resterai au Liban définitivement, j'en sais absolument rien. J'essaie d'accumuler suffisamment d'expérience et de références dans ces pays-ci pour que si jamais je dois le quitter, j'ai quand même derrière moi un background suffisamment solide, ce que j'ai quand même déjà. Non, mais je voulais dire au niveau de la conception des projets. Vous avez des oppositions avec les gens qui travaillent avec vous ou... Vous avez une unité de... Non, il y a une assez bonne unité, mais au fond, elle est, je dirais qu'elle est presque nécessaire, parce que ce sont des jeunes gens qui ont fait leurs études avec moi. Oui. Hein, il y a quand même encore un petit peu la petite autorité. Oui. Je conserve cette petite autorité, même si on se tutoie. Hein, et puis ce sont des jeunes qui sont venus chez moi parce qu'ils ont envie de venir, parce qu'ils ont envie de travailler comme je travaille. Oui. Ça, c'est un fait. Et puis, enfin, ils s'en iront... Donc, ils sont directement intéressés à la conception que vous avez... Directement. Directement. Oui, d'accord. Directement. Ce qui fait que ça, c'est vraiment source d'unité entre nous et d'harmonie. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Et j'essaye, moi aussi, de leur donner, par ailleurs, beaucoup de liberté. Je les mets parfois sur un projet très peu mâché par moi-même, en leur un minimum d'indication pour qu'ils donnent du leur. Et si ça marche bien, j'essaie d'interférer le moins possible. Ça arrive. Oui. Pour qu'ils ne soient pas frustrés. Hein. Oui, oui. La partie conception, quand même. D'accord. Et ça se passe parfois très bien. Je peux vous demander combien vous les payez à peu près ? Je les paye à l'heure. Oui. Évidemment, ça dépend un petit peu de leur ancienneté. Et puis, j'ai aussi des petits accords avec eux quant à la possibilité d'utiliser leur quota, leur signature, donc à l'ordre des ingénieurs. Mais ça va de 13 livres et demi de l'heure actuellement à 10 livres pour des architectes, de 13 et demi à 10. Et alors, les étudiants architectes, suivant leur degré d'avancement, touchent de 6 à 4 livres, pratiquement. D'accord. Et en même temps, par rapport à l'université libanaise, vous avez des problèmes Ah, j'ai toujours des problèmes avec eux. Chaque année, il y a des problèmes. Il y a 1000 problèmes à l'université libanaise. En fait, j'ai des problèmes parce que lorsque je suis rentré à l'université libanaise, j'avais quand même mon optique de l'enseignement qui ne coïncide pas avec celle de l'université. J'avais pourtant pu obtenir à l'époque de prendre en main la première année, l'année préparatoire en fait, parce que je trouvais qu'elle était catastrophique. On m'a fait confiance. J'ai pu former une petite équipe de deux ou trois professeurs qui travaillaient ensemble. C'est un travail qui marchait pas mal, qui normalement aurait dû avoir des suites. Quand on lance une espèce de, quand même de style, de certain style d'enseignement, il demande à être poursuivi dans l'avenir, ou en tout cas ne pas trouver la contradiction immédiate dans l'année qui suit. Il y avait eu des promesses de refonte un peu plus profonde, et puis ça n'a pas été suivi, ça a créé des problèmes, les étudiants étant perturbés, c'est un petit peu comme si on les mettait dans un cycle d'études de mathématiques ou mathématiques modernes pendant un an ou deux, puis qu'ils retombent dans les mathématiques d'avant, ils sont complètement perturbés, les deux mathématiques sont certainement valables, mais pas pour s'enchaîner mal, c'est un petit peu le même problème que cela. J'ai eu le changement de doyen, n'a pas été pour arranger les choses non plus, nous avons actuellement un ingénieur civil qui a une vision de l'architecture qui est absolument catastrophique pour moi. Ce qui fait que je suis quand même assez souvent en difficulté quand même avec lui. Oui. J'ai une difficulté très particulière maintenant qui est la suivante, c'est que comme je me suis fait un peu connaître dans le pays pour les constructions scolaires et que j'ai effectué quand même certaines de ces études en accord avec le bureau de l'UNESCO pour les constructions scolaires du Proche-Orient, on m'a demandé... Enfin, plutôt, l'UNESCO a signé contrat avec l'université libanaise pour une recherche à effectuer par les étudiants sous ma direction, pour que je le fasse. Ce qui n'a pas été facile d'ailleurs, parce que le doyen voulait bien signer contrat avec l'UNESCO, mais il aurait voulu prendre ça à sa charge ou le confier à des gens à lui. Ça m'a fait déjà tout un problème. Et puis finalement, on m'a mis des bâtons dans les roues et cette recherche s'effectue extrêmement péniblement. En fait, systématiquement, à des patrons d'habitude, quant à la manière de faire cette étude, quant au groupe que je désirais avoir, etc. Alors là, des difficultés, ça, j'en ai. Mais enfin, j'arrive finalement quand même à peu près à m'en sortir. Et avec vos collègues, alors, libanais, disons... Moi, j'ai des collègues avec lesquels je m'entends très bien, mais enfin, je ne suis quand même pas tellement d'accord avec la manière dont l'enseignement se poursuit, que ça provienne de l'administration proprement dite, ou que ça provienne du corps des professeurs, je trouve que c'est assez boiteux. Au niveau des programmes, vous parlez ou... Ben oui, oui. Programme et méthode, disons. Enfin, programme, je vois encore rien dire, finalement. Les méthodes, c'est plus important que le programme. Oui. Au niveau des méthodes, ça, c'est terriblement archaïque. Il faut dire que l'Institut des Beaux-Arts est au fond une émanation, d'une certaine manière, de l'Académie libanaise des Beaux-Arts, qui est une émanation elle-même des Beaux-Arts de Paris. Oui. Alors là, il faut remonter à 20 ans en arrière. Mais quand un style a été pris comme celui-là, il se perpétue, lamentablement, alors qu'à Paris, ça a éclaté de plus belle de l'âme, en fait, tout au moins depuis. Depuis 68, ça a éclaté. Oui. Et ça a été remplacé par toute autre chose qui se cherche, qui n'est peut-être pas encore définitif, qui est diversifié puisqu'il y a une série d'unités pédagogiques. Mais enfin, ça se cherche d'une façon intéressante. Et ici, nous en sommes encore à une espèce de sous-Beaux-Arts, ancienne formule de Paris, qui est assez pénible. Qui est assez pénible. Alors, là encore, ma situation de Français, d'étranger, de non-Libanais plus exactement, me met dans une situation un peu bizarre. Elle me permet, d'une certaine manière, d'être presque plus libre que les confrères libanais, parce que on sait que si je suis trop embêtant, on se débarrasse de moi comme on veut. Je n'ai rien à dire. Il suffit de ne pas renouveler mon contrat. Et je n'ai pas d'assise. Enfin, bon, et je suis le seul non-libanais. Le seul. J'ai en excellente entente, en excellent terme avec les étudiants. Si on peut appeler ça une assise, j'en ai une du côté des étudiants. Mais... elle ne me servira à rien et je ne jouerai pas ce jeu-là non plus. Si on veut se débarrasser de moi, on se débarrasse de moi. Alors, au fond, je suis moins dangereux qu'un Libanais. Alors, on me permet d'une certaine manière de jouer plus à ma guise que si j'étais Libanais. Et puis, il y a aussi ceci, c'est que... Je me sens très libre. Si on ne veut pas de moi, je m'en vais. C'est tout. Alors, je ne fais aucun effort pour... plaire à l'administration ou aux personnes en place, aux autorités. Et puis je crois que c'est cette attitude-là qui finalement fait qu'on me laisse pas une paix royale, mais en même temps on me tolère et on tolère un petit peu la manière dont je travaille. Oui. On dit souvent que le niveau à l'université libanaise est assez bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Je crois qu'il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier le niveau de l'étudiant et le niveau de l'enseignement. Le niveau de l'étudiant, on sait évidemment que l'université libanaise recrute ses étudiants. C'est le milieu quand même populaire, le milieu laborieux du pays. Et enfin, dans un sens, c'est certainement un milieu plus intéressant que le milieu qui se trouve, par la générale, à l'université des Jésuites ou à l'université américaine. Où on a affaire finalement à des petits francophones ou à des petits anglophones ou américanophones. À l'université libanaise, on a beaucoup plus affaire à des Libanais finalement. Et je trouve que pour toute forme d'enseignement, mais surtout l'enseignement de l'architecture, le grand effort est précisément d'essayer de se dégager des modèles étrangers qui sont abusifs pour essayer de retrouver ce qui convient au Liban, au milieu libanais. C'est ce que j'essaie moi de faire là-bas, plus que les Libanais, je crois. C'est ce que j'essaie de faire là. Vous parlez arabe? Je le bafouille à peine, seulement heureusement que l'enseignement là-bas officiellement est en français à l'Institut des Beaux-Arts, heureusement. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Sinon, je ne pourrais pas y être. Alors, à ce point de vue-là, nous avons donc effectivement une clientèle, des étudiants peu cultivés. Mais moi, je considère que c'est une qualité, finalement, d'avoir des étudiants peu cultivés. Les étudiants cultivés sont francophiles ou sont américanophiles. Est-ce qu'il y a des sections de Beaux-Arts à l'université américaine ou à l'université Oui, et chez les Jésuites aussi, oui. Chez les Jésuites. Oui, qui sont plus ou moins assimilés à des études d'ingénieur civil avec option pour l'architecture. Mm. Enfin, ce sont malgré tout des étudiants architectes. Maintenant, du côté de l'université libanaise, proprement dit, l'enseignement, les programmes, les professeurs, etc., là, c'est un petit peu la grande misère. L'université libanaise, c'est l'administration avec tous ses vices. C'est quand même un corps professoral qui peut-être à 50% est recruté, non pas tellement sur sa valeur, mais surtout en fonction de ses relations sociales et politiques, avec des bons arrières, bien entendu. Ce sont des programmes qui sont souvent des programmes calqués sur l'étranger, en tout cas c'est le cas chez nous. Alors ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux. Mais je crois dans la pratique que nous finissons par sortir des étudiants qui ne sont pas plus mauvais que ceux qui sortent de chez les jésuites ou l'université américaine. Ils sont en tout cas plus, d'une certaine manière, plus solides dans le milieu libanais. Ils sont moins brillants, mais ils sont peut-être plus solides. En tout cas, moi je crois plus à ceux-là qu'aux autres. Encore que moi, j'en ai. Grandir peut-être plus en contact avec la spécificité ou la réalité du pays. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est à ce point de vue-là. Oui. Mais moins brillant d'habitude. D'accord. Mais est-ce que cette exigence, si vous voulez, d'être en contact avec la réalité ou la spécificité du pays, c'est une exigence que vous essayez de maintenir, par exemple dans vos constructions scolaires? Oui, bien sûr. Sur un autre plan que l'université. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, oui. Oui, dans toute ma profession, c'est ce que j'essaie de faire. C'est une des raisons qui m'a amené à faire des études sur les architectures traditionnelles du pays, etc. Et de les publier ici ou à l'étranger, de faire des conférences dessus. C'est ça qui m'y a amené. Non pas par l'amour des formes anciennes, j'ai travaillé pour l'APSAD, l'Association pour la protection des sites et anciennes demeures, mais je n'en fais pas partie. Et je ne partage absolument pas leur philosophie de la question, ou leur absence de philosophie de la question, absolument pas. Seulement, je trouve qu'il faut passer, par ce type d'études parce qu'elles sont révélatrices, et que c'est là qu'on découvre l'identité d'un pays à travers les formes d'art qu'il a développées. Et c'est cette leçon-là qui permet de redécouvrir ce qui a encore moyen de, ce qui existe encore de spécifique à notre époque, et les particularismes, etc. Et quelles seraient les voies pour éviter de tomber dans le piège du faux universalisme qui nous vient d'Occident. Alors qu'il continue à y avoir des énergies intéressantes ici sur lesquelles on peut tabler et qu'on peut développer. Trouver une voie qui ne soit pas l'imitation du passé, c'est absurde, qui ne soit pas non plus le pastiche de l'Occident, c'est absurde, mais une troisième voie qui soit l'élaboration finalement de formes contemporaines profondément enracinées dans les réalités d'ici. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est peut-être un peu paradoxal alors que je ne suis pas libanais, mais c'est peut-être, peut-être quand on n'est pas libanais qu'on s'en rend le mieux compte finalement. Observateur étranger d'abord, on a peut-être un regard critique plus aigu que le libanais, qui ne se rend pas compte au fond exactement où il en est. Et est-ce que vous croyez que cette recherche du particularisme ou de l'authentique, si vous voulez, n'est pas elle aussi le fruit d'un regard occidental sur... Ah, ça, je me le suis souvent dit, ça, c'est évident. On ne sait plus où on en est. Quand on voit un petit peu trop, quand on essaie de creuser un petit peu, on est très embarrassé. Ouais. C'est pas une raison pour s'arrêter. Oui. Mais c'est effectivement très embarrassant parce que c'est peut-être une prise de position très occidentale, ça, j'en suis bien conscient. Ouais. Mais enfin, je crois quand même qu'elle est plus positive et qu'au moins elle fait poser des questions à des jeunes. Quitte à ce qu'ils refusent la chose, mais au moins ils y réfléchissent. D'accord. Sur le marché, vous êtes contenu sans doute par rapport à ces idées-là. Oui, il y a quand même, oui. Avec une grande confusion d'ailleurs, parce que parfois les gens viennent me trouver pour que je construise une maison libanaise, ce que je ne fais évidemment pas. D'accord. Mais parfois, ayant lu le livre, ayant lu mes articles, ils les comprennent exactement de travers, c'est assez curieux. Je crois pourtant être clair, j'essaie toujours d'être clair. Et j'affirme toujours, il est absurde de faire une fausse maison libanaise, mais comme j'ai publié des photos de maisons libanaises, des analyses de maisons libanaises, on vient me trouver pour que j'en fasse. Alors, je dois m'expliquer. Mais en fait, c'est un fait que des gens sont venus me trouver à cause de ça, à cause de ces idées-là. Ça, c'est sûr. Et même au niveau des bâtiments scolaires. Même au niveau des bâtiments scolaires. Parce que finalement, au niveau des bâtiments scolaires, c'est une institution qui s'adresse à moi, mais finalement, c'est quand même une personne. Oui. C'est quand même finalement un fonctionnaire qui me connaît, qui a lu quelque chose de moi, ou qui a vu, et puis qui s'adresse à moi de personne à personne, finalement. Oui. C'est quand même comme ça que c'est arrivé. Et qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, ces gens-là, par exemple en matière de construction scolaire? Oh, ce qu'ils ont en principe cherché, c'est à rendre plus rationnelle la construction scolaire qui ne l'était pas. Oui. Mais ne sachant pas très bien où ça allait mener d'ailleurs, et comme il y a eu une espèce de coïncidence, plusieurs circonstances ensemble, le jour où on m'avait demandé ça, c'était en 70 ou 71, c'était le ministre des Travaux Publics qui m'avait demandé cela. En même temps, d'un autre côté, le ministère du Plan mettait la dernière main à sa carte scolaire et la confiait à l'Éducation nationale, qui se rendant compte qu'il fallait faire quelque chose d'une certaine envergure, à ce moment-là a appris que quelque chose s'entamait aux travaux publics et a pris la chose en main. C'est comme ça que j'ai dérivé des travaux publics qui était mon premier interlocuteur, à l'éducation nationale, je ne connaissais personne, mais où j'ai été introduit à ce moment-là. D'accord. L'éducation nationale qui m'a introduit à l'UNESCO, puisque l'UNESCO jouait une espèce de rôle de conseiller. Oui. C'est comme ça que je suis rentré dans ce circuit-là. Oui. Et que les études, simplement d'une espèce de désir de rationaliser un petit peu des opérations qui ne l'étaient pas, est devenu alors quelque chose de beaucoup plus défini, beaucoup plus concret. D'accord. Consistait à repenser finalement le bâtiment scolaire pour le primaire, en fonction des objectifs que l'éducation nationale se donne ou prétend se donner, oui. Hein, en termes d'évolution de la pédagogie. Oui. Prétend se donner, parce qu'au fond, jusqu'à présent, ça n'a pas été loin. Oui. Et vous êtes amené alors à discuter de conception pédagogique Même un peu, oui. Oui. Un peu, dans la mesure où, où l'architecture peut aider finalement une pédagogie à voir le jour, ou peut au contraire, si elle est maladroite, freiner une évolution pédagogique. Oui, c'est sûr. Hein? C'est dans ce sens-là. Je ne me prononce pas sur la pédagogie pour la pédagogie. Enfin, j'ai été amené à m'initier un petit peu à la pédagogie moderne. Hein? Et puis enfin, il y a tout un mouvement de remise en question de l'école maintenant. Tout un mouvement, Ivan Illich a beaucoup écrit, on l'a quand même lu ici aussi. C'est les idées d'Illich sont quand même... d'abord, il n'est pas le seul à les avoir prônées, bien entendu, mais enfin, c'est peut-être celui qui l'a clamé le plus et qui a été le plus connu. L'UNESCO suit ce genre d'idées-là avec prudence, puisque c'est un grand organisme international et qui ne suit que lorsque les choses ont l'air d'être bien... le sol a l'air d'être bien solide et bien stable. Oui. Hein, mais enfin, malgré tout, ils suivent. Et puis, dans leur effort, alors, pour promouvoir l'instruction dans le monde et dans le tiers-monde, ils finissent par donner des tendances, au fond. Mm-hmm. Par donner des tendances et par essayer de développer alors une construction scolaire d'un type nouveau, c'est relatif, mais enfin nouveau par rapport, disons, aux tendances du 19e siècle qui se sont répandues partout et qui continuent encore malheureusement à être appliquées. Mm-hmm. Alors ils essayent de développer des tendances nouvelles. C'est-à-dire sortir un peu de je sais pas comment sortir de l'école cloisonnée, l'école fermée, coupée, l'école caserne, etc. Ouais. Le thème d'ailleurs de la recherche UNESCO qui est en train de développer à l'université a pour titre l'école et la communauté, pour essayer justement de retrouver une école, et par son bâtiment aussi, pas seulement par l'esprit à l'intérieur mais par le bâtiment lui-même, une école qui ne soit plus coupée de la communauté. Parce que l'école est une caserne, l'école avec ses murs de clôture, etc. Et puis sa structure intérieure toute cloisonnée, de classe en classe, d'année en année. Tout ça est terriblement cloisonné. On essaye de décloisonner, d'ouvrir l'école, de retrouver le contact avec la société, que la société participe à l'éducation, que l'école sert à quelque chose de la société, pas seulement à éduquer ses enfants, mais également à assumer une part de réflexion, le cas échéant, oui. Qui puisse être utile pour la société. Bref, pour retrouver des liens étroits, intéressants, efficaces, positifs entre l'école et la société, l'école à tous les niveaux, depuis les jardins d'enfants jusqu'à l'université. Oui, hein? Et dans le cas des institutions privées, l'enseignement, est-ce que vous avez l'impression que... C'est pour rien, c'est en l'air. Oui, probablement. Oui, est-ce que vous avez l'impression que les demandes qui viennent d'institutions privées d'enseignement sont des demandes de gens qui veulent modifier un peu la pratique pédagogique de leur ordre et que ça s'inscrit, disons, dans une visée réformatrice, de manière générale, ou au contraire, est-ce que... Bah, enfin, je ne peux pas me prononcer en général, hein. Je ne peux dire que ce que les personnes ou les sociétés qui sont adressées à moi avaient quand même un désir de retrouver quelque chose de cette évolution. Mais quand même à un degré où ils sont encore très malléables, parce qu'en fait il y a une espèce de désir, mais qui ne sait pas toujours de quelle manière ça peut se manifester dans les... en tout cas dans les formes physiques de l'école. Hein? Mais... une petite évolution à l'intérieur de l'école, on est en train de la vivre partout. Un enseignement un peu plus libéré au niveau des tout-petits, des méthodes audiovisuelles, c'est un mot magique qui ne veut rien dire parfois, mais enfin... un enseignement actif qui fait participer l'enfant aux recherches plutôt que de lui donner un enseignement tout cuit, ça se pratique déjà, surtout dans les petites classes, pas tellement dans les grandes, mais surtout dans les petites classes. Dans les grandes classes, il y a une espèce d'enseignement technique qui quand même se développe un peu avec, on se demande si ce n'est pas parfois une erreur d'ailleurs, mais enfin avec une expérimentation plus poussée dans le domaine de la biologie, de la physique, etc., de la chimie. Parfois des promenades pour aller découvrir le monde, les usines, les quartiers, les villages, etc. Ça se pratique un peu dans certaines écoles. Mais bien souvent, les écoles ne se rendent absolument pas compte, les directeurs ne se rendent absolument pas compte que la forme physique de l'école peut être un atout puissant, un outil puissant pour les aider dans un effort comme celui-là. Mmh. Et effectivement, les écoles pour qui j'ai travaillé, et en particulier la religieuse pour laquelle je travaille maintenant, n'avait absolument aucune idée de retentissement que l'architecture peut avoir, finalement, dans un effort qui souvent est timide, enfin, est mal formulé. Et on peut leur proposer le pire ou le meilleur. Si on sait parler, on peut leur faire accepter le pire et le meilleur. Enfin, et ça m'a donné la chance de pouvoir finalement développer quand même des formes qui me paraissent bonnes, mais avec cette espèce de chose très paradoxale, c'est que le grand drame va s'accentuant, c'est que l'école sort de la ville. Et alors là, chaque fois que j'écris sur les écoles, je dis essayez que l'école ne sorte pas de la ville, il faut réinsérer l'école dans la ville, hein, l'école à sa place dans la ville. Mais en réalité, la situation est telle maintenant dans une ville qui est de plus en plus coûteuse, dont le sol est de plus en plus coûteux et dont les écoles sont de plus en plus petites, sont trop petites pour la demande, les écoles sortent de la ville. Elles réalisent d'excellentes affaires, ça leur permet de financer des achats de grands terrains et des constructions de belles, grandes, nouvelles écoles par la vente de terrains trop exigus. Mais c'est le drame parce que la ville se vide de ses écoles. Et alors, ça, c'est la rupture la plus totale avec la société. Alors, il arrive que ces écoles, à l'intérieur, soient beaucoup mieux structurées, à l'intérieur, que leur structure soit moins cloisonnée, soit moins rigide, que la nature des locaux et des espaces permettent de rénover quand même l'enseignement, la relation entre les élèves, entre eux, entre les élèves et les professeurs, etc. C'est une qualité. Mais malheureusement, il y a un défaut majeur, c'est qu'on a quitté la ville. D'accord. Et elle ne se reforme pas autour des écoles. Il y a bien quelques parents, mais c'est des parents riches qui peuvent acheter un terrain à proximité de l'école qu'ils ont choisi pour leurs enfants et qui vont construire une villa. L'école n'est pas encore le centre, le pôle d'attraction qui peut reconstituer un quartier autour d'elle. Enfin, ça n'existe pas. Au niveau de l'architecture, le fait que ce sont des institutions scolaires religieuses, est-ce que c'est important ? De moins en moins, en fait. De moins en moins. Il n'y a pas de différence de conception entre une école religieuse ou une école non religieuse. D'abord, de toute façon, les communautés religieuses ont de moins en moins de membres et le corps professoral presque tout entier est laïque. Les obligations religieuses n'existent quasiment plus pour les enfants. Et, en fait, il n'y a même plus de chapelle. Comme présence physique, il y a généralement une grande salle à usage multiple qui peut aussi bien être lieu de culte que lieu de théâtre, de mime, de conférences, de ciné-club, est conçu même et de plus en plus comme étant lieu de réunion pour les non-élèves, enfin pour des parents, pour des enfants qui viennent assister à des séances de ciné-club le soir, etc. Enfin. D'accord. Alors finalement, il n'y a plus de composante religieuse, enfin non. D'accord. Les écoles sont mixtes aussi, etc. Il n'y a plus de différence. D'accord. Du point de vue de votre vie extra-professionnelle, vous avez des moments de loisirs. Prenons d'abord, si vous voulez, les loisirs très quotidiens. Vous sortez souvent? Non, moi je sortais. Vous avez des activités culturelles? De par ma femme, j'ai pas mal de relations libanaises. En fait, je n'ai aucune relation avec les Français et les Belges, la colonie auquel théoriquement j'appartiens, je ne les vois pratiquement jamais. J'ai beaucoup d'amis libanais. Par volonté ou par... Oh, oui et non. Oui. Oui et non, je suis dans un pays, je ne vois pas pourquoi il faut absolument se réfugier parmi ses semblables. C'est un choix naturel, je crois, tout simplement. Et puis, enfin, ma famille étant libanaise, sinon, il était normal que mes amis soient plutôt libanais que... Je peux compter sur les doigts d'une main les non-libanais que je fréquente. Alors je suis finalement très intégré à la société libanaise, d'un certain côté, mais d'un autre côté, je n'ai pas quand même les mêmes goûts et les mêmes intérêts qu'eux. Ce qui fait que ma femme ne voit beaucoup plus souvent que moi. Ce soir, ma femme est allée jouer aux cartes. Je suis invité, bien sûr, mais je n'y vais jamais. De temps en temps, quoi. Parce que j'aime bien les voir, enfin, c'est assez rare que j'aille passer des soirées avec eux. Oui. Les cartes font partie des loisirs, ont une place privilégiée dans les loisirs de la bourgeoisie libanaise. Oui. Je sors un peu au cinéma de temps en temps quand même. Oui. Du point de vue de ces relations familiales et de la manière dont ça se passe, vous avez l'impression de différences culturelles très importantes entre vous et ce milieu de relations libanais ou... C'est-à-dire que je ne crois pas que ça tient tellement au fait d'être libanais ou pas libanais. Oui. Enfin, j'appartiens à une classe sociale, mais je me sens plus d'affinité avec elle, disons. Oui. Je crois que c'est le cas de beaucoup. Bah, la bonne bourgeoisie libanaise, chrétienne libanaise, elle est très gentille, accueillante, elle a beaucoup de qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Elle est très énervante. Elle m'énerve assez. Ce qui fait que je ne les fréquente pas au sens où on se fréquente ici, c'est-à-dire se recevoir beaucoup, se rencontrer le soir, jouer, etc. Non, oui. Pas du tout. Ce sont de bons amis qui me rendent service et à qui je rendrai volontiers service, mais que je fréquente relativement peu au fond. Et le fait que vous soyez étranger n'a pas posé problème lors de votre acceptation? Absolument pas, non, absolument pas. Ils sont tous très francophiles, il n'y a pas de problème. Le fait que vous soyez étranger français a été important. Hein. Oui, oui. Oui, oui, ça serait plutôt au contraire pour se rapprocher rapidement, en fait. Oui. Oui. Et si je ne les fréquente pas plus, c'est parce que moi, je ne m'y prête pas, c'est tout simplement. Oui. Simplement. Sinon, je serai toujours chez les uns, chez les autres. C'est vraiment moi qui me dis ça. Et autrement, vous allez quelquefois au cinéma, vous faites partie du ciné-club? Ah, j'en ai fait partie, puis avec mes gosses, à un moment donné, c'était trop difficile le soir. Je continue à fréquenter le ciné-club comme ça de temps en temps et en faute. C'est un film intéressant. J'ai été voir Gilles Carle. Oui. Vous faites du sport, non? Non, très peu. Très peu. Pas le temps. Pas beaucoup de temps. Oui. Vos enfants vont quand même faire du ski? Mes enfants vont faire du ski. On a un petit chalet à Faria. Oui. Mais pas tellement régulièrement, et puis par ma faute d'ailleurs. Il m'arrive souvent d'être occupé le week-end, etc. Souvent. C'est une profession très accaparante, l'architecture. Oui. Terriblement par moments. Alors je ne leur consacre pas assez de temps. Il fut un temps où j'ai travaillé absolument seul, où j'arrivais à consacrer plus de temps à mes gosses. Mais depuis quand même que j'ai des collaborateurs, c'est beaucoup plus difficile. Mais l'été, vous allez à la plage quand même, non? Alors l'été, on va un peu à la plage, hein? Vous avez installé un chalet à la plage? Non, je n'ai pas installé à la plage, non. Mm. Non, je fais partie de l'Automobile Club de Castille. Aussi bien malgré moi d'ailleurs, mais enfin. Mm. Je n'y vais personnellement pas souvent. Mm. Et alors, vos loisirs, c'est principalement quoi? En fait, j'en ai pas tellement. Non, mais je lis assez. Je travaille beaucoup, je travaille souvent le soir. Mm. Je travaille souvent le soir, mais d'une façon agréable, enfin. Du calme, des avant-projets, des recherches qu'il est difficile de faire chez moi parce que les journées sont filées, sont un peu difficiles. Je lis, puis je poursuis mes petites recherches personnelles sur l'architecture aussi. Je prépare certains de mes cours, non pas comme préparation systématique de cours, en fait je ne prépare jamais mes cours, mais enfin, je lis pas mal de choses qui ressortent pendant mes cours. C'est plutôt ça. Dans les loisirs de week-end, alors de samedi, dimanche, vous visitez le Liban? Alors, de temps en temps, oui, on se promène. Mais je le faisais plus dans le temps. Il faut dire que j'ai quand même encore un petit à la maison, qui quand même limite les choses. Oui. Quand même encore un petit garçon qui continue à faire sa sieste l'après-midi, qui par conséquent rend la chose un peu difficile. Dans un an ou deux, je reprendrai l'habitude de circuler avec mes enfants. Oui. Mais maintenant, c'est un peu difficile. Il y a des moments familiaux comme ça. Depuis que vous êtes ici, vous êtes parti en France, ou les gens? Je vais en moyenne en Europe une fois tous les deux ans, disons. Oui. Entre une fois par an, une fois tous les deux ans, c'est variable. Je suis parvenu quand même plusieurs fois à y aller l'été en voiture, j'aime beaucoup les vacances scolaires des enfants. C'est ça, moi, des vacances scolaires. On a fait 3 ou 4 fois l'Europe en voiture quand même. J'ai acheté et équipé moi-même il y a 3 ans une espèce de grosse camionnette pour faire ça. Et puis, mmh. Mais malheureusement, je l'ai employée une seule fois. Elle loge toute la famille à l'aise, et c'est très amusant. Mmh. Mais je l'ai employée donc un été, et puis j'ai plus le temps. Et lorsque vous allez en Europe ou... C'est essentiellement pour aller voir mes parents, évidemment. Oui. Ils souffrent quand même de la séparation, c'est normal. Essentiellement pour les voir. Mmh. Mais enfin, on en profite pour essayer de prendre les chemins agréables. Mmh. Et vous avez conservé des amis en Europe? Oh, pas tellement. Pas tellement. J'ai quand même quitté l'Europe depuis 15 ans. Je me sens étranger quand je suis en Europe, quand je suis en Belgique, parce qu'en fait, j'ai beau être français avant d'être belge, je suis plus belge de souvenirs, disons, puisque j'y ai passé une plus grande partie de ma vie, j'ai fait mes études. Mmh. Mais j'ai perdu un petit peu le contact avec tout le monde. Quand on a quitté pendant 15 ans, on perd le contact. Mmh. sauf avec ma famille, à laquelle je reste très attaché. Mais vous avez, comment dire, les contacts que vous avez en Europe, enfin, les préoccupations des gens en Europe vous semblent un peu différentes des vôtres. Oui, de plus en plus. Mes préoccupations sont beaucoup plus ici que là-bas, ça c'est un fait. Ouais. Je me passionne pour les problèmes politiques d'ici, je ne me passionne pas du tout pour les problèmes politiques de France et de Belgique, j'avoue. Ouais, ouais. Enfin, relativement peu. D'accord. Encore un peu la France, mais la Belgique, absolument pas. Je ne suis rien du tout de ce qui se passe en Belgique, absolument rien. Je n'ai nulle envie d'y retourner. Je n'y retourne avec plaisir que pour voir mes parents, évidemment. Mmh. Et deux ou trois amis que je revois très volontiers quand j'y vais, mais enfin, ils sont rares. Mmh. Ils sont rares. Mmh. En France, à part ma famille, c'est une famille que je vois tellement rarement. À l'occasion, ils viennent me voir ici parce que, quand même, ma famille est étendue et il y a quand même des voyageurs dans ma famille. Alors, il arrive qu'ils viennent me voir ici en passant. Mmh. Enfin, je les vois une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est très ténu comme relation. Mais quand vous êtes là-bas, vous avez la possibilité de parler des problèmes qui vous intéressent, c'est-à-dire des problèmes du Moyen-Orient. Ah oui, bien sûr. Oui, forcément. Je suis le libanais de la famille. Alors, on en profite pour parler de ces problèmes-là. Et alors, on se chamaille toujours un petit peu parce qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais ils s'intéressent plus à votre sécurité qu'aux problèmes. Oui, ils s'intéressent à ma sécurité, mais enfin, je l'ai sécurisé depuis longtemps. Et mes parents eux-mêmes, mon père et ma mère, qui viennent quand même souvent ici, enfin, disons en moyenne tous les 2 ans, ils passent par ici. Ils ont beau être, ma mère était une personne très timorée, mais il sait qu'elle a quand même fait un séjour ici pendant une période troublée. Presque chaque année, il y en a une. Hein? C'est pas très difficile que ça arrive. Cette année-là, il y avait eu de nouveau des accrochages entre Libanais et Fedaïens, si je me souviens bien. Et puis il y a eu couvre-feu à l'époque, ce qui était sage. Et comme ma sœur était habitée encore ici, de l'autre côté d'Ashrafi, à Soufi, ma mère vivait chez ma sœur et mon père dormait ici. Et puis, comme il y a eu couvre-feu, ils n'ont plus pu se voir. Ils n'avaient pas non plus le téléphone là-bas, ce qui fait qu'on est restés coupés les uns des autres pendant une semaine. Et ils se sont rendus compte, c'était vrai à l'époque, c'est plus vrai maintenant, mais enfin, ils sont encore sous l'impression, que du moment qu'on reste peinard chez soi, on ne risque rien. Alors, ça les a rassurés. Ils se sont rendus compte qu'ils s'affolaient à la lecture des journaux en Europe et qu'au fond, ici, les choses n'étaient pas catastrophiques. Mmh. On parle uniquement de ce qui est catastrophique dans le journal, on montre des photos des points chauds, et ça a l'air d'être la révolution. Et puis en fait, du moment qu'on n'est pas dans les points chauds. Vous avez l'impression d'un grossissement par les journaux des. Oui, c'est très net. C'est très net. Et puis la photo est toujours prise là où il se passe quelque chose, même si ça représente le centième du territoire. Oui. Et les 99% du territoire qui sont calmes, on ne les photographie pas. Alors ça fausse toujours les impressions, évidemment. Oui. Alors mes parents sont repartis, très sereins, finalement, ils ne s'inquiètent plus. Ne t'inquiète plus quand il y a des histoires. Alors que parfois il serait peut-être bien de s'inquiéter d'ailleurs parce que cette fois-ci c'était beaucoup plus méchant. Autrement, vous avez voyagé en Syrie ou oui, bien sûr. Irak Oui, oui. Enfin, surtout la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, pas mal. Non, j'ai pas été en Irak. L'Iran, oui. J'ai pas été en Irak et je ne connais pas les pays du Golfe encore. J'attends professionnellement que l'occasion se présente. Et vous voyagez en famille dans ces pays? Non, en fait je n'ai été en famille que lorsque nous avons pris la route d'Europe par la Turquie simplement, sinon c'est seul. Vous voyagez avec des amis libanais ou... Non, et ça remonte il y a quelques années. Non, ou bien quand professionnellement ça m'appelle, hein, j'étais encore en Jordanie il y a quelques temps pour un projet seul. Ouais. C'est un motif professionnel. Oui. Je reprendrai, mais il faut attendre 2 ou 3 ans encore, je reprendrai des tournées alors du Moyen-Orient familial. Oui. Mais c'est un peu difficile maintenant. C'est un peu difficile avec un petit. Et qu'est-ce qui vous intéresse alors lors de ces voyages que vous avez fait? Ah, vous j'ai des dadas. Professionnels. J'ai des dadas. Je me passionne, je m'intéresse beaucoup à l'architecture primitive. Oui. Sous toute sa manifestation, l'architecture spontanée, que je trouve la plus intéressante, la base de l'architecture, pleine de leçons, de sagesse, des choses passionnantes. Et alors partout où je vais, j'essaie d'en trouver, de découvrir quelque chose, de ramener des photos, des documents, etc. Mm. Ça, quand je voyage, ça particulièrement m'intéresse. Beaucoup plus que les architectures classiques qui me laissent souvent assez froid. Mm. Et de ce point de vue-là, l'Égypte est alors... Ah, très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. En fait, il y a longtemps que j'ai fait l'Égypte, c'était en 59-60. Très intéressante l'Égypte, passionnante. Mm. Et par rapport au Liban? Ah, plus intéressante que le Liban. Plus intéressante. Oui, bien sûr. Donc, le Liban est intéressant, hein? Mais l'Égypte est évidemment beaucoup plus riche, ça ne se compare pas. Vous croyez qu'il existe une architecture authentique? Au Liban? C'est-à-dire non, libanais? Du point de vue arabe. Du point de vue arabe, il y a des architectures. Oh, enfin, là, de nouveau, je vais ressortir, mais ma petite préoccupation à moi. Il y a une architecture qui est, dans tous les pays du monde, qui est la plus authentique, finalement, et la plus vraie, c'est celle qui est la plus populaire, c'est celle qui est l'architecture des gens, et des gens modestes, qu'ils ont fait de leurs propres mains, et qui est finalement une très très ancienne tradition, et qui est celle qui a fait le plus de preuves, parce qu'avec des moyens très modestes, les gens sont arrivés à vivre dans des pays au climat parfois extrêmement éprouvant, par la chaleur, ou par le froid, ou par l'eau, etc., et qui sont parvenus à se donner un confort remarquable pour la pauvreté de leurs moyens. Ce sont des architectures d'une efficacité admirable. Et au niveau de ces architectures-là, elles sont parfaitement autochtones dans tous les pays où elles apparaissent. Et il y a des architectures arabes, que ce soit les architectures sédentaires ou que ce soit finalement les architectures nomades, que sont les temples, qui sont des architectures parfaitement authentiques de ces pays-ci. Et puis évidemment, après ça, dans les architectures princières, etc., alors il y a des tas d'influences culturelles de toutes sortes qui déferlent, et il est extrêmement intéressant de décortiquer ce qui est autochtone, de ce qui est venu de l'étranger et qui s'est enraciné au point d'être devenu une tradition autochtone malgré ses origines étrangères, de ce qui est venu et qui s'est imprimé en surface sans être aussi bien intégré que le... Et puis tout ça se superpose et se combine dans les architectures princières, mais on peut tout décortiquer. Alors suivant qu'on jette un regard sur ce qui est le plus apparent, le plus superficiel, on se sent parfois en droit de dire, mais enfin c'est pas une architecture d'ici, c'est une architecture importée, elle est italienne ou ceci ou cela. Mais quand on fait abstraction de cela et qu'on regarde plus en profondeur, on se rend compte qu'au fond, le squelette, l'intérieur est fortement enraciné. Et de ce point de vue-là, l'architecture au Liban, vous semble... Eh bien, il y a une architecture paysanne qui est parfaitement libanaise, même si on retrouve une architecture semblable en Syrie, c'est simplement dans la mesure où les conditions géographiques sont les mêmes, que les mêmes manifestations d'architecture apparaissent. Même si elles se ressemblent, ça n'empêche qu'elles soient libanaises et authentiquement libanaises. Au niveau des architectures plus bourgeoises, on retrouve également une architecture libanaise, mais qui naturellement commence celle-là à se... à s'ornementer d'influences étrangères, arabes ou au contraire italiennes. Mais enfin, on peut parler d'une architecture libanaise, vraiment. Quand on la décortique surtout, enfin, surtout en analysant finement certaines choses, il y a des faits d'architecture là qui sont vraiment libanais. Qui tiennent au paysage libanais, au fait que l'architecture libanaise, dans un Moyen-Orient où souvent les architectures sont introverties, ils regardent vers la passion intérieure. L'architecture libanaise, même quand elle a des passions intérieures, est une architecture qui s'ouvre, qui est extravertie et qui regarde le monde extérieur. Pourquoi? Parce que finalement la géographie libanaise n'est pas la géographie du Moyen-Orient, c'est une géographie riante, une géographie ouverte, méditerranéenne, faite de montagnes, de lieux fertiles, de vallées, etc., où on a envie de regarder à l'extérieur, et où il se passe à l'extérieur suffisamment de choses pour que les relations s'établissent entre l'architecture et l'extérieur, alors que dans les plaines Moyen-Orientales, l'aridité, les rigueurs du climat, etc., font que les architectures essayent au contraire de se protéger contre leur environnement, tournent le dos à l'environnement et s'introvertissent, regardent au sens d'elles-mêmes. Enfin. Mais ce qui domine quand même au Liban, c'est pas ce type d'architecture, c'est un type d'architecture moderne, entre guillemets. Ah, actuellement, oui, alors à partir du 19e, 20e siècle, oui, bien sûr. Ça, c'est évidemment, après, ça c'est Beyrouth. Ça c'est Beyrouth. Alors là, il n'y a. Enfin, on peut pas dire qu'il n'y a rien de libanais. Un appartement à Beyrouth n'est pas un appartement de capitale occidentale. Il y a une norme de taille, de grandeur, il y a un désir d'ouverture à l'extérieur par les terrasses et les vérandas qui reste finalement malgré tout méditerranéen et libanais. Enfin, il y a peut-être du 20% ou du 15% de libanais et du 80% ou 90% d'occidental, évidemment. Et moi, personnellement, une bonne partie, sinon tout mon enseignement, c'est en fait à l'Académie des Beaux-Arts, on a un cours sur l'environnement d'ailleurs. Et c'est un cours qui a pour but d'essayer de faire réfléchir sur la nature de l'architecture telle qu'elle se présente ici et de tenter de découvrir celle qui répondrait à l'environnement libanais. En tant qu'environnement climatique et géographique d'une part, mais aussi en tant qu'environnement humain, puisque le caractère du Libanais est en grande partie conditionné lui-même par son paysage initial, enfin primordial. Alors, mais de manière plus générale, si vous voulez, que l'architecture, on dit souvent que le Liban, c'est le trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Oui, c'est un cliché, mais en fait, c'est quand même assez vrai, je suppose que c'est assez vrai quand même. Ça se retrouve au niveau de l'architecture. Oh, oui, bien sûr. On fait un trait d'union, là, je ne sais pas, enfin... Oui, une position intermédiaire. Position intermédiaire, en tant que position intermédiaire, c'est évident. Oui, oui, c'est certain. C'est certain. De ce point de vue-là, il y a l'influence des modèles étrangers, est sans doute très très importante. Ah oui, elle est terrible. Elle est terrible. Mais non seulement dans l'architecture, je parle, mais de manière générale. De manière générale, oui, finalement. Les mœurs des gens, leurs habitudes vestimentaires, la mode, les objets de consommation courante, c'est tout, pas dans tous les domaines. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette occidentalisation, Oh ben, au Liban, ne m'affole pas, parce que finalement, le Liban est effectivement très très proche de l'Occident, il faut le reconnaître. Mais elle est quand même énervante, d'abord dans l'arrière-pays, parce qu'il n'y a pas que Beyrouth finalement. Dans l'arrière-pays, elle est énervante parce que c'est quand même cette occidentalisation qui mène tout doucement l'environnement libanais à sa ruine et à sa dégradation. Ça, c'est assez dommage, assez énervant. Ça fait du tort au Liban sur le plan économique, ne fût-ce que par son tourisme, enfin. Un jour ou l'autre, on n'aura plus rien à monter. Alors qu'à côté de ça, il y a des pays méditerranéens qui sont en train de soigner leur particularisme. Les pays d'Afrique du Nord se gardent bien de détruire leurs villages et leurs sites naturels, au contraire. Mmh. Ils les exploitent et ils sont en train de les valoriser, touristiquement parlant. C'est peut-être un peu énervant par moment aussi, mais ils ont raison. La Turquie en fait autant. La Grèce a fait merveilleusement. Elle était capable de préserver ses villages et finalement de les transformer en villages d'accueil qui sont absolument merveilleux et qui attirent énormément de touristes. Les Libanais n'ont pas été foutus d'en faire autant. Ils ont fabriqué en grande série d'horribles petits hôtels à l'occidental ou de grands hôtels prétentieux à l'occidental, mais ils n'ont pas été capables de. Mais c'est donner. Sous des conditions de rentabilité, donc. Oui, d'une rentabilité à courte vue, parce qu'on peut aussi bien trouver la rentabilité, oui. Peut-être plus par le caractère plutôt que par l'absence de caractère. Oui. Ça, c'est assez dommage. Mais si vous voulez l'orientation. Est-ce que l'absence d'État fort au Liban joue un rôle dans cette espèce de crédit, si vous voulez, d'emploi un peu systématique, des techniques occidentales de construction, sans doute plus standardisées, une rentabilisation plus rapide, disons, à court terme? Oui, oui, ça c'est certain. Enfin, dans le sens où le Liban est un pays extrêmement libéral, hein, il est évident qu'il est largement ouvert à toutes les influences, quelles qu'elles soient, qui viennent de l'Occident, quelles qu'elles soient. Alors, tout passe, le bon et le mauvais, tout passe en même temps. C'est un raz-de-marée de toutes sortes de formes et de pensées qui, au fond, n'ont rien à voir avec le contexte libanais à l'origine et qui sont en train de dégrader le Liban, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais cette adaptation des modèles occidentaux, si vous voulez... C'est une très mauvaise adaptation, c'est une pas adaptation. Mmh. C'est une vraie adaptation, elle pourrait être très intéressante, mais c'est à peine une adaptation. À peine. C'est un succès d'année, quoi. Oui, vraiment, un succès d'année, oui. Et ce genre de choses, ça... Si vous voulez, c'est le Liban en général. Vous croyez qu'on peut parler du Liban en général, d'abord? Ouais, quand on parle du Liban en général, on a trop tendance à parler de Beyrouth, finalement. Parce qu'il est très, très varié, quoi, le Liban. Ouais. Quand on va se balader dans le nord, du côté du Hakkar ou du Hermel, quand on va se balader dans les parties écartées de la Beka ou quand on descend vers le sud, on se demande si c'est encore au Liban. Si on prend Beyrouth comme référence. Oui, d'accord. Je suppose que celui qui habite ces régions-là, quand il arrive dans Beyrouth, il se demande si Beyrouth, c'est pas encore le Liban. Symétriquement. C'est vraiment très, très, très, très différent. C'est très différent. Et Beyrouth, est-ce qu'il est? Il a quand même pas mal de charme, d'ailleurs, de toute façon. Mais il a introduit ses gestes dans le pays tout entier. Et jusque dans les plus petits villages, finalement, on imite, alors qu'on a encore une tradition vivante qui pourrait évoluer d'une manière intéressante, positive et efficace pour le logement des gens, c'est finalement l'influence de Beyrouth qui l'emporte, abattardie d'une façon effrayante. Extrêmement dégradée, mais l'influence de Beyrouth quand même. De manière générale, on parle souvent certains groupes parlent souvent d'impérialisme culturel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Et nos universités sont là pour le répandre. C'est-à-dire? Oui, bon, que ce soit l'université des jésuites ou l'université américaine ou même l'université du Caire, d'un autre côté. L'autre tendance, c'est un petit peu ça, quoi, finalement. C'est arrivé ici. Et vraiment, apporter une certaine forme de culture. C'est plus des petits Français, les gars, qui vont faire les études chez les jésuites. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ils ne sont pas capables. Moi, j'essaie de faire des analyses de situation avec mes étudiants, parfois. J'essaie de ne pas voir l'architecture comme simplement une esthétique, une mode, etc. J'essaie de voir l'architecture comme la réponse à un besoin. Voir l'architecture comme une réponse à un besoin, ça exige d'analyser une situation. Une situation qui est généralement complexe, et qui est économique, qui est sociale, qui est culturelle, qui est esthétique, etc. Qui est technique, qui est tout ça. On essaie d'analyser une situation. Eh bien, quand je parle avec des jeunes gens qui ont fait leurs études, ou chez les jésuites ou chez les américains, ils n'ont même pas le souci, ils ne se rendent pas compte de la nécessité de faire une analyse de situation comme cela. Ils ont tout simplement leur modèle tout fait. Oui. Tout prêt. Ils ont leur bouquin, ils ont leur catalogue. Oui. Simplement, on leur a donné. Mais est-ce que vous avez l'impression que, disons, cette imposition de modèle, oui, elle détruit quelque chose qui ah en oui fait d'elle? Ah oui, bien sûr. Elle est destructrice. Oui. Elle ignore des valeurs, elle ignore un certain nombre de valeurs précieuses qui sont encore vivantes, qui sont intéressantes, qu'il faut prendre en considération. Elle les ignore et elle vient plaquer les réalités étrangères à la place. Oui. Est-ce que vous croyez alors que ces modèles s'imposent de la même manière à toute la société libanaise? Mais en fait, c'est quand même... Parce que quand vous parlez des élèves qui ont été élevés chez les jésuites, si vous voulez, ou à l'université américaine, c'est quand même une certaine classe sociale. Ben oui, d'accord, c'est cette classe sociale qui finalement est la plus agissante. C'est elle qui fait l'architecture, enfin, c'est mon domaine. Oui. C'est à eux qu'on confie des projets de plans directeurs, d'urbanisme, etc., de valorisation de région, quand on le fait. On ne suit pas toujours les projets, mais enfin, on les suit un petit peu, malheureusement. Oui. Ils ont leurs idées toutes faites, et ils viennent les plaquer. C'est eux qui font l'architecture. C'est eux qui sont commerçants, et qui apportent ici toutes sortes de denrées qui modifient leur environnement. On adore parler d'écologie à notre époque, mais c'est un petit peu la même chose. Quand dans un milieu écologique, on vient introduire un organisme nouveau, de deux choses l'une, ou bien il crée tout de suite, parce que c'est un milieu qui ne lui convient pas. Ou bien, malgré tout, dans ce milieu, il se trouve relativement à l'aise et il modifie son milieu. Et il le perturbe. Alors pourquoi ce modèle se trouve relativement à l'aise dans le livre? Il se retrouve assez à l'aise parce qu'il y a suffisamment d'argent pour pouvoir malgré tout exécuter, oui. Et copier, etc. Ici, si un modèle très luxueux et très coûteux tombe dans un milieu extrêmement pauvre, on ne pourra pas le faire et on va l'oublier, on va le mettre de côté, on l'oubliera. Mais s'il tombe dans un milieu où malgré tout une certaine classe a de l'argent, on va l'exécuter, on va le faire. Et puis alors ça, il s'impose comme un modèle. Et alors d'autres s'efforcent de le copier, toujours moins cher, toujours plus médiocre, toujours plus misérable, toujours... À la limite, on va retrouver d'abominables petites constructions ignobles dans les campagnes, dans les villages reculés, qui sont l'imitation d'un modèle un peu moins ignoble, un peu plus proche de la capitale, etc. Pour faire monter les chaînons, on arrive finalement aux modèles qui sont faits dans la capitale. Ouais. Vous croyez alors que la diffusion du modèle est pyramidale, quoi. Oui, je crois dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Ouais. Une des choses qui frappe quand on arrive à Beyrouth, si vous voulez, depuis l'Europe, c'est un peu cette consommation ostentatoire qui se manifeste par des voitures de grande envergure, etc. etc. Uh-huh. Est-ce que c'est la même chose au niveau de l'architecture? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que la classe qui a de l'argent ici a une consommation au niveau architectural plus ostentatoire, disons, c'est très net. Que la bourgeoisie Oui, c'est très net. C'est très net. À quoi vous attribuez ça? Il y a quand même un enrichissement au Liban. Moi, depuis que je suis là depuis 15 ans, je vois... il me semble, je ne vais pas être aussi absolu peut-être que ça, mais il me semble parmi toutes mes connaissances, je vois tout le monde être de plus en plus à l'aise, se payer deux voitures quand on en avait une, ou trois quand on en avait deux, se payer un bateau, un casse-flic, s'acheter un appartement, etc. Il me semble qu'il y a dans la classe commerçante et bourgeoise, et la classe des indépendants, médecins, ingénieurs, avocats, etc., il y a un enrichissement de plus en plus grand. Mais je ne possède pas les chiffres, je ne sais pas si c'est une courbe qui une courbe parallèle à l'accroissement du revenu. Je n'ai pas l'impression que ce soit. La classe pauvre n'a pas du tout l'air d'être plus à l'aise. Elle paraît souvent en difficulté toujours plus grande à cause de l'accroissement du coût de la vie, les loyers de plus en plus difficiles, élevés, etc. Mais la classe bourgeoise et la classe moyenne semblent être de plus en plus à l'aise. De plus en plus, et consommer de plus en plus. Dans à peu près tous les domaines. Vous voyez, la question que je posais, ça portait plus sur la manière de consommer. Oui. Que sur le fait des possibilités financières de consommer, si vous voulez. Alors la manière de consommer, c'est avec des appartements de plus en plus grands et luxueux, des standards de luxe. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'appartements en conditionnement d'air, mais maintenant, il y en a de plus en plus, au point que la loi s'est modifiée et que le concept légal de l'immeuble de luxe comprend actuellement un conditionnement d'air. C'est significatif quand même que le concept légal, assez significatif. Le conditionnement d'air fait partie maintenant de tout appartement de classe, d'une certaine classe. La manière dont, en quelques très peu de temps, s'est répandu ce style qui est devenu odieux, qui est le design extrêmement coûteux. Il s'est répandu partout, il y a des boutiques partout. Avant, on se contentait d'une médiocre copie de style. Et l'architecte intérieur qui essayait de divulguer des idées de type design était un téméraire, était un héros. C'est extrêmement difficile. Mais maintenant, ça s'est répandu partout, à n'importe quel prix. C'est une façon surprenante. C'est beaucoup plus coûteux que le mauvais style qu'on faisait avant. Le mauvais design est beaucoup plus coûteux. Au niveau des chaînes de haute fidélité, tout le monde se révèle grand amateur de musique, même s'il n'y connaît rien, parce que, socialement parlant, je crois qu'il devient de plus en plus nécessaire d'avoir des chaînes de haute fidélité très coûteuses, encastrées, etc. On fait de plus en plus appel à l'architecte intérieur. C'est pas seulement le fait du mobilier dans les boutiques et les galeries. On fait de plus en plus appel à l'architecte intérieur. Et tu sais qu'il est coûteux. Non, il me semble que il y a vraiment des secteurs où ça se manifeste très très fortement. Si on prend un autre niveau, par exemple, on parlait tout à l'heure d'impérialisme culturel et d'imposition de modèles occidentaux sur la société libanaise. Vous citiez en particulier à ce propos l'exemple de l'université libanaise, en disant que les étudiants qui avaient fait leurs études chez les jésuites, par exemple, étaient des petits français. Oui. Quel est le rôle dans l'éducation, si vous voulez, à votre avis, jouent les français qui sont là? C'est difficile un petit peu de répondre à ça. Le rôle qu'ils jouent, il s'agit ici des enseignants universitaires, ou de tous les enseignants, les coopérants qui viennent dans les écoles, etc. Oui, je crois de manière générale. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression qu'ils favorisent l'imposition de modèles d'une certaine manière? Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, pourtant, que dans ces institutions, la demande est une demande libanaise? Oui, c'est une demande libanaise, c'est une demande qui ne demande pas mieux que d'avoir ainsi ses professeurs français, hein, de toute façon. Ouais. Ils ne demandent pas mieux. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle reste extrêmement brillante pour le Libanais que la culture française. Pour tous les Libanais, vous... Enfin, tout au moins la bourgeoisie chrétienne, ça c'est un fait. Parce que pour la bourgeoisie chrétienne, la France reste quand même le symbole de la chrétienté, c'est curieux. Hein. Mais ça reste le symbole de la chrétienté face au monde musulman qui les effraie. Ça c'est un fait, c'est toujours vrai ça. Il y a un certain nombre de chrétiens comme un peu progressistes qui s'efforcent de se sentir en excellent voisinage avec les musulmans et qui sont capables de le faire. Mais dans l'ensemble, le bon peuple d'Achafillé, pour lui, la France, c'est le rempart de la chrétienté contre les mécréants. Oui. Ça c'est sûr. Alors finalement, la culture française est vue avec beaucoup de sympathie. Oui. Alors que du côté des musulmans, par exemple. Alors que du côté des musulmans, ben, il y a quand même aussi une petite auréole. La culture française, je crois qu'elle tente quand même un certain nombre de musulmans. Hein. Ça c'est un fait. Parmi vos étudiants, par exemple Non, parmi mes étudiants, non, pas tellement. Pas tellement parmi mes étudiants. Non, ce n'est vraiment pas cette classe-là, les étudiants de l'université libanaise. Oui. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un milieu beaucoup plus populaire. Nettement plus populaire, oui. Nettement plus populaire. Et là, il me semble que la cordialité entre chrétiens et musulmans est beaucoup plus courante, est beaucoup plus normale. Ouais. Vous avez l'impression que les différences confessionnelles jouent un rôle déterminant ici, ou que c'est seulement des... Oh, je vais continuer à jouer un rôle déterminant, ouais. Ah, je pense. Oui, certainement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une différence, si vous voulez, fondamentale, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une différence surajoutée et qui pervertit un certain nombre de problèmes? Oh, il y a certainement ça. Je suis convaincu que finalement, députés et dirigeants jouent sur ce tableau-là, ça ne fait aucun doute. Au niveau de l'homme de la rue, bien souvent, on entend des conversations extrêmement sympathiques et cordiales entre chrétiens et musulmans dans les services, dans les taxis, etc. Oui. Hein? À ce niveau-là, il semble que très souvent, surtout les gens simples et religieux, sentent qu'au fond, ils ont en face d'eux des gens qui ont, finalement, qui adorent le même Dieu et qui ont des convictions très proches des leurs. Je crois que dans le petit peuple, il y a une possibilité de coexistence très harmonieuse. Dans la mesure où il n'y a pas de leaders qui viennent à un moment donné les enflammer, parce que ça serait facile d'enflammer les gens, évidemment. Mmh. Mais sinon, quand on ne joue pas cette carte, cette sale carte, j'ai l'impression que le petit peuple est capable de s'entendre fort bien. Mais au niveau de la bourgeoisie, toutes les valeurs se mélangent. Et là, le monde musulman, c'est quand même aussi un monde qui les fait et qui va leur enlever de leurs privilèges, finalement, ça vient de la lutte des classes. Mmh. Ça, c'est convaincu, le monde musulman les effraie pour ça. C'est une question religieuse, les bourgeoisies chrétiennes pour ça. Oui, c'est plus un problème religieux, ça, c'est un problème, je crois que c'est un problème de classe qui ici prend une teinte, une façade religieuse, mais au fond, je crois que c'est plus un problème de classe. Ouais. Ça les effraie, le monde palestinien, le monde musulman en général les effraie. C'est tout leur privilège, ils foutront le camp. Ouais. Ça, c'est sûr, et ils prennent leur argent en Suisse, et ils envisagent un jour de partir. Ouais. Et l'avenir du Liban, alors, comment vous voyez? L'avenir du Liban, je ne sais pas. Honnêtement, on dit que c'est une situation tellement inextricable que celle qu'ils vivent maintenant. Je crois qu'on a dit ça tellement souvent, et ça tient quand même. Je pourrais pas tenir indéfiniment, oui. Je suppose. J'en sais rien. Je vis depuis 15 ans, j'en sais rien. C'est tellement difficile de se prononcer sur une chose comme celle-là. C'est tellement difficile. J'ai beaucoup de sympathie pour le Liban, j'aime beaucoup le Liban. Mais c'est un pays bien difficile. Je suppose que son avenir est quand même sa solidarité avec le monde arabe. C'est la logique qui veut ça. Oui. Je suppose. Mais ça, c'est la moitié des Libanais, là. Enfin, une bonne partie, tout le monde des Libanais, on peut l'envisager sans horreur. Oui, ça serait la perte de tous les privilèges de la bourgeoisie chrétienne, ça, je suppose. Et ça les effraie. Et alors, dans ce mécanisme-là, vous pensez que les modèles étrangers, qui soient culturels, en particulier culturels, jouent dans le sens d'une progression au sens d'une harmonie possible, de nouvelles solidarités possibles, ou joue dans le sens d'une différenciation? Ben, a priori, ça jouerait dans le sens d'une différenciation, quand même. Mais les tendances, maintenant, il y en a de toutes sortes. Parce qu'il y a quand même la tendance européenne de la bourgeoisie chrétienne, et puis il y a la tendance arabe, de l'autre côté, dans le monde musulman. Hein, et toute la population palestinienne qui habite dans le pays, c'est cette sacrée tension, tout ça. Ouais. Et plus l'influence occidentale est forte, plus les tensions montent, je suppose. C'est ce qui semblerait. Moi, je suis très curieux de savoir ce qu'il adhérera du Liban en 10 ans ou dans 20 ans. Je suis très curieux. Je ne sais pas. Ouais. Bien, vous pensez qu'on a fait un peu le tour des questions? Ben, que quand même. Vous voyez quelque chose à ajouter qui vous semble important, dont on n'a pas parlé? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai l'air de ne pas aimer les jésuites. En fait, ils ne sont pas antipathiques, mais j'en viens quand même sur une chose ou sur une autre. Je constate quand même que... Et là, c'est un petit peu en enseignant que je parle aussi. Je ne peux qu'approuver le principe de la coopération technique, et c'est pas tout à fait coopération militaire au fond, j'enseigne, enfin les coopérants qui font ici la coopération technique française des enseignants. Elle est extrêmement intéressante. Elle pourrait être passionnante. Mais dans les cas, dans certains cas que moi j'ai vus, parce que je me rapproche très fortement de ma profession, on tombe quand même dans cette aberration-ci, c'est que de jeunes diplômés, de jeunes Français, quelle que soit leur valeur et leur qualité, hein, mais tous jeunes diplômés, sont bombardés ici tout d'un coup enseignants, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas. Et ça je l'ai souvent constaté, je n'en fais pas non plus une généralité, hein, mais en fait j'ai quand même souvent constaté, avec, dans les faits, sinon en se l'avouant, une espèce d'impression de supériorité en arrivant ici au milieu des étudiants libanais. S'il y a évidemment une supériorité culturelle, c'est évident, surtout si on prend comme critère de culture la culture française, bien entendu. Avec donc une espèce de supériorité comme ça. Et puis on leur fait assumer alors la responsabilité de la formation des jeunes libanais. Je trouve ça affreux, et je trouve ça extrêmement maladroit. Extrêmement maladroit. L'architecture, c'était vrai dans d'autres domaines, je préfère ne parler que du mien. L'architecture, quand on l'analyse, est vraiment un phénomène qui ne s'explique, qui ne se comprend et qui ne peut se faire qu'en accord avec les réalités du lieu où on agit. Parce qu'il y a tout un milieu géographique, tout un milieu de climat, tout un milieu de comportement individuel et collectif, etc. Qui est vraiment spécifique et qu'il est long de connaître et de comprendre. L'architecture ne peut pas s'expliquer autrement que par ce contexte et on ne peut pas agir sur un contexte comme celui-là sans le connaître convenablement. Et on doit former des jeunes gens à cette espèce de travail extrêmement délicat. Et ce sont des étrangers qui viennent le faire. Et ça, je trouve ça absolument anormal. Et quand ça devient ça, la coopération technique, là, je ne suis pas du tout d'accord avec la coopération technique. Si c'est une espèce de système d'assistance qu'il faudrait définir, mais où le rôle du coopérant français est modeste. Il est modeste, bon Dieu, un jeune diplômé doit être modeste. S'il est modeste, il peut être très intéressant pour tout le monde, parce qu'il arrive quand même, lui, avec toutes sortes d'idées extrêmement fraîches et neuves, les techniques qu'il a étudiées, etc. Et il y a des confrontations qui peuvent être extrêmement intéressantes avec d'autres ici, au niveau des confrontations. Voilà ce que j'apporte. Qu'est-ce que ça vaut ici dans ce climat? Qu'est-ce que ça vaut dans ce milieu, hein? Est-ce que ça peut apporter une réponse à quelque chose? Est-ce que retravailler, repenser, digérer, réadapter, est-ce un apport positif? Que peut-on en tirer? Que comment dire, disséquer toutes sortes de choses, hein, en essayant d'écarter ce qui peut être perturbateur et au contraire de développer ce qui peut être positif apport. Hein? Mais ça, on ne le sait pas. Ils arrivent, alors là c'est ça l'impérialisme culturel pour moi, ils arrivent auréolés de toute leur connaissance toute fraîchement acquise et de leur diplôme français, et ici ça a beaucoup, moi j'en ai moi-même profité d'ailleurs, je continue à profiter d'une certaine manière, mais j'essaie de le faire honnêtement, auréolés de ce prestige d'intellectuel français, de diplômé français, et ils agissent directement en enseignant. Ça c'est choquant. Et ça les résulte de cette carte, peut-être parce qu'elle leur convient économiquement, parce qu'on leur envoie ici. Je ne sais pas qui les paye au fond, mais c'est parce que c'est le gouvernement français, pas les jésuites, alors ça leur convient fort bien. Mais je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça choquant. Mais avec quel outil est l'université libanaise? Je ne sais pas, au juste, je ne connais pas bien les autres facultés. Je ne sais pas. Enfin, moi, je suis en fait. Ah bien. Oui. Et dans quel branche? En sociologie. Oui. La sociologie, c'est autre chose. La sociologie, elle a une tradition de, justement, d'interrogation, en fait. Elle ouvre les yeux et l'interroge. Alors, je ne sais pas comment est la formation du sociologue, je n'en sais rien en France, mais normalement un sociologue est formé pour ça, il est formé pour s'interroger. Alors il tombe dans un milieu, il interroge ce milieu, et il essaie de le découvrir, de le connaître. Hein, il est un récepteur, ça, de sociologue. Après ça, il arrive qu'il fournisse des réponses à des inquiétudes, il arrive, bon, c'est possible. Mais il est d'abord un homme qui observe et qui essaie de cerner une réalité. Tandis que l'architecte, c'est dommage qu'il n'est pas suffisamment ça, il devrait l'être, mais de tradition, lui, il est au contraire l'homme actif qui intervient. Oui. Et alors, il peut être extrêmement nocif quand il intervient. Parce qu'il ne peut que mal intervenir au début. Il faut être génial pour intervenir juste du premier coup. C'est pas un jeune gars qui est diplômé en France, formé aux problèmes français, dans le bain français, qui peut tout d'un coup agir dans le bain libanais. C'est pas possible. C'est pas possible. S'ils avaient la sagesse d'être des gens qui viennent interroger un milieu et confronter ce milieu après une interrogation très modeste et très patiente, hein, et le confronter avec ce qu'ils ont appris dans leur milieu d'origine, ça c'est passionnant. Ça c'est magnifique. C'est pas ce qu'ils font. Mais alors pourquoi on les emploie? Au fond, hein, je n'en sais rien, moi je ne sais pas si la politique française, d'une façon consciente, entretient la francophonie par l'intermédiaire de ses coopérants. C'est possible, Mais c'est pas une demande libanaise, non? Ah oui, c'est certain, mais en fait, une demande, ça s'entretient. Hein. Ça s'entretient. Dans tous les domaines, c'est la même chose. Hein. Il y a une demande pour un certain modèle de voiture, enfin, il y a demande parce qu'on a provoqué cette demande. Parce qu'on a mis sur le marché certaines voitures, parce qu'on a fait de la publicité, parce qu'on a joué la carte du prestige. Parce qu'on s'est arrangé pour que des gens en vue roulent dans cette voiture et on fait jouer tous les petits mécanismes, tous les petits mécanismes mentaux, inconscients, etc. des gens, on provoque la demande. On provoque la demande dans l'enseignement, on provoque la demande dans la consommation des voitures, dans la consommation de la culture. Mais vous voyez, on peut quand même assimiler la demande culturelle du point de vue de la demande de culture française, si vous voulez. Bien sûr. Ouais. Je crois, oui. Je crois. Alors, ce que je demande, c'est si la France le fait vraiment consciemment ou non, j'en sais rien. Non, mais attention, maintenant je ne suis pas non plus une espèce de xénophobe, faux libanais xénophobe. Hein. Je trouve, je ne suis pas non plus en train de renier non plus la francophonie en disant ça. Je caricature peut-être un petit peu. Et il est évident que des relations interuniversitaires sont souhaitables dans tous les domaines. On devrait avoir des Chinois, on devrait avoir des Africains, etc. On devrait finalement avoir tout ça. Mais ce qui est peut-être un petit peu énervant, c'est qu'il y a des moments où tout simplement on a l'impression que la France exporte la culture française comme elle exporte des armes françaises, et comme etc. C'est l'impression qu'elle donne par moment. Et ça, c'est choquant. Moi, quand j'ai vu arriver il y a un mois ou deux ou trois mois, j'ai pas été à l'exposition pour ça d'ailleurs. Les impressionnistes français, etc., mais c'est uniquement cette impression-là. Et dans le milieu libanais, c'est évidemment très bien accueilli, ça fait très bien que tout d'un coup, Beyrouth devient un milieu de vente internationale, d'art, marché d'art, etc. Ça fait très bien, ils sont un petit peu regorgés de ça, les Libanais. Mais j'avais manifestement l'impression que c'était une opération ni plus ni moins pareille à celle de la vente des armes, des avions, etc. Hein. Oui. Et on vend en même temps ses tableaux, etc., puis on vend en même temps son enseignement. Il y a ça. Il y a ça, ça me choque. Ça m'énerve. Maintenant, par ailleurs, bravo pour la coopération. La coopération, c'est une chose excellente. Il vaut bien mieux que des jeunes gens aient fait une expérience culturelle quelque part, plutôt que d'être sous les armes. Ça, si moi, à l'époque, j'avais pu passer mon service militaire en Belgique et être coopérant, j'aurais été drôlement content. Mais je ne pense pas qu'on utilise les coopérants, pas toujours, je ne généralise de nouveau pas absolument, mais je crois que dans beaucoup de cas, on n'utilise pas les coopérants comme on devrait les utiliser. Je crois qu'il y a une manière beaucoup plus honnête et peut-être beaucoup plus intéressante pour tous et pour les coopérants aussi d'utiliser les coopérants. Vous n'avez pas cette impression, vous, étant dans le milieu des coopérants? Oui, enfin... En étant plus que moi, parce que moi, enfin, les coopérants, je connais de temps en temps l'un ou l'autre. Oui. Mais enfin, c'est d'avoir bavardé avec eux et d'avoir vu ce qu'ils faisaient que cette impression, c'est... c'est fait. Oui, si vous voulez, moi j'ai un peu dans le même ordre d'idée que vous, mais en accordant sans doute beaucoup plus de place à une demande libanaise, à une demande. Il est évident qu'il y a une demande libanaise. Mais c'est ce que je parlais, c'est la demande de la bourgeoisie chrétienne qui se raccroche à la France, ça c'est sûr. Il y a une autre bourgeoisie qui se raccroche à l'Amérique, évidemment. Oui. Bien entendu. Oui, je crois que c'est... Enfin, je pense que cet aspect-là, si vous voulez, est à mon sens... un élément à prendre en compte pour comprendre la politique culturelle française. Oui, sans doute, oui, sans doute. Mais je ne pense pas que, malgré tout, la politique culturelle française soit dans le droit chemin. Elle agit trop comme exportateur de culture française, ouais. Au lieu d'agir comme une espèce d'organe de quoi, comment dire, un facteur de compréhension de race. Ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, ça nous révèle... Vous voyez à la possibilité d'une politique culturelle philanthropique. Oui. Une politique philanthropique. Eh oui. Et absolument, absolument dénué de toute arrière-pensée, de commerce, etc. Ouais. Philanthropique, oui, enfin, au sens où... Vous croyez que c'est possible, c'est-à-dire, dans l'état qu'il y a des choses. Je suis peut-être un idéaliste, un utopiste, hein, c'est possible. Enfin, il me semble que ça devrait être. Hein. Dans une optique d'échange, sans arrière-pensée, d'échange de points de vue, etc. Ouais. Un vrai échange de points de vue. À ce moment-là, c'est passionnant et on devrait en avoir avec tous les pays du monde, évidemment. Seulement ici, ça ne fait que renforcer la francophilie dans de la bonne bourgeoisie d'ici. Enfin, je l'exprime difficilement, je la sens beaucoup plus que je peux l'exprimer. Mais je la ressens. Moi, je m'énerve bien souvent déjà de voir combien les gens sont prêts à m'écouter parce que je suis français. Enfin. Ouais. Alors que je ne suis pas du tout en train d'exprimer quelque chose qui émane de la France. Enfin, on ne termine jamais complètement, on est soi-même. Mais j'essaie d'exprimer des choses que j'ai découvertes ici. Je me suis forcé de découvrir, alors que je n'ai pas vu mes confrères, c'est forcé de découvrir. Oui. Ça, c'est un fait. Bien, on arrête. On arrête. Oui. J'ai oublié.